France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques de la série Culture Science, aujourd'hui bien sûr Continent Science, mais doublement en ouverture puisque c'est le premier rendez-vous pour une semaine spéciale dévolue aux catastrophes. Et nous allons voir, nous, catastrophes et ses conséquences et ses suites, mais une catastrophe tellurique, en tout cas, comme à notre habitude, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison de la Radio. Et il est temps de vous dire bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec nous pour parler de cette catastrophe qui s'est passée en Italie, Léo Kotelec, qui est venu il y a peu d'ailleurs, qui est philosophe des sciences, et ça va être une sorte de travaux pratiques d'ailleurs d'une certaine manière avec ses considérations sur la science, sur certaines de ses définitions, certains de ses pouvoirs. Et puis nous sommes en compagnie de Pascal Bernard, il est séismologue à l'IPGP, à l'Institut de Physique du Globe de Paris, et spécialiste de zones particulières, donc que l'on va voir dans un instant. Mais sans perdre nos bonnes habitudes et loin de toute catastrophe, eh bien, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les moineaux. Les moineaux de Paris, les passers domesticus. Son commensalisme avec l'homme se perd dans la nuit des temps préhistoriques, quelque part au Moyen-Orient, au moment où sont apparus les premiers villages sédentaires de chasseurs-cueilleurs, voici 12 000 ans, la révolution néolithique, bien sûr. Or, et malheureusement, ces petits passereaux des villes sont en péril. Et si ce constat alarmant a été confirmé par d'autres études en Europe, on ne connaît pas toutes les raisons d'un tel déclin. Après avoir mis en évidence le rôle néfaste, certain, du bruit urbain, le brouhaha quasi omniprésent, permanent, des villes empêche en effet les parents moineaux d'entendre leurs poussins et de les nourrir comme il faut, quand il faut. Des chercheurs ont également montré que la nourriture urbaine issue des activités humaines pourrait, elle aussi, contribuer au déclin des moineaux en ville, et cela en nuisant cette fois à la croissance et à la survie de leurs petits. Si le moineau a tiré parti de la présence des hommes depuis des millénaires, comme on vient de le voir, ce déclin récent montre que cette cohabitation ne se passe plus si bien. Or, le moineau est une espèce sentinelle. Il sert d'indicateur précoce aux changements environnementaux. L'étudier dans son écosystème, à la ville, comme à la campagne, permet d'évaluer l'impact de ces changements. En dépit de leurs différences évidentes, hommes et moineaux sont tous les deux des vertébrés et partagent à ce titre un fonctionnement général qu'on peut dire similaire. Étudier les oiseaux peut donc nous renseigner sur l'impact de plusieurs facteurs sur la physiologie de l'homme. Une enquête a été menée sur 3 mois en 2013, dans la région Poitou-Charentes, et sur cette période, 110 moineaux, dont 68 adultes et 42 petits, ont été étudiés de près. Plus précisément encore, les chercheurs ont mesuré sur leur échantillon les réserves de graisse et de muscles, la taille du bec, la taille des pattes et des ailes, et aussi l'hématocrite, et enfin le taux de corticostérone, qui est l'hormone de stress. Et les résultats obtenus sont étonnants. Cette étude démontre que les individus urbains ont une plus petite taille, ce qui suggère très fortement un développement non optimal en milieu urbain. De plus, les juvéniles étaient plus gras que leurs congénères ruraux, suggérant cette fois des différences alimentaires importantes qui pourraient expliquer ce développement moins optimal. En ville, l'alimentation des moineaux serait en fait très riche, trop riche en glucides et à l'inverse trop pauvre en protéines. Les moineaux, comme on sait, sont très opportunistes et consomment tout aliment disponible à portée de bec. Bien que granivores, ils ont un besoin important d'insectes pour leur apport en protéines et pour pallier ce manque. En milieu urbain, les moineaux se reporteraient donc sur des aliments issus de nos activités. Si l'alimentation urbaine présente des avantages, notamment en hiver, lorsque les réserves de graines sont au plus bas, le manque d'insectes, riche encore une fois en protéines, en ville, pourrait être l'une des principales causes du déclin des moineaux, des chers moineaux de Paris. Bonjour Pascal Bernard. Bonjour. Bonjour Léo Coutelec. Bonjour. Alors, comme je le disais, c'est une sorte de travaux pratiques, hein, comme une suite de cette précédente invitation donc, à laquelle vous aviez répondu pour ce rendez-vous de Continent Science, puisqu'on avait disséqué d'une certaine manière, à votre façon en tout cas, cette science que vous appelez la science impliquée. Alors là, on va être en plein dans la science impliquée. Je vous propose de commencer par un tableau, Pascal Bernard. Un tableau parce que, à préparer cette émission, j'y ai appris plein de choses. J'ai vu que c'était pas simple. Cette région de l'Aquila, Aquila, comme vous m'avez repris au préalable de l'émission sur l'accent tonique que j'avais mal placé en étant en Italie et pas en Espagne. Et c'est un peu chahuté, hein, parce que, allez, je commence le grand paysage, le grand cadre. Il y a la plaque africaine qui remonte, qui va bouffer la Méditerranée à terme et qui rentre en collision avec la plaque euro-asiatique. Mais ça n'est pas suffisant pour décrire les Apennins. Oui, alors les Apennins, c'est un peu le contre-coup de cet enfoncement vers le nord, ce déplacement très très lent à quelques centimètres par an, 2 centimètres par an dans cette région-là. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a des microplaques qui sont coincées entre ces deux continents qui s'affrontent, et ces microplaques, elles tournent, elles plongent, elles sont recouvertes par d'autres morceaux de plaques. Et précisément, les Apennins, que ce que c'est, c'est une chaîne de montagnes qui est associée au fait que un des promontoires de l'Afrique est en train de s'enfoncer sous l'Italie de manière un peu biscornue, et les Apennins, simplement, c'est les montagnes qui montent sur cette masse de roche qui essaie de descendre. Mais cette masse de roche qui descend, elle descend lentement, même pratiquement plus en fait, et les Apennins, qui étaient une haute montagne, en fait s'écroulent petit à petit parce qu'elles sont moins sous pression, elles s'écroulent, elles s'étalent, alors qu'elles sont formées en compression, maintenant elles sont en dilatation. Vous dites que ça s'effondre, voilà. Que ça s'étend, et à vous lire, vous dites que d'une certaine façon l'Italie s'élargit. L'Italie s'élargit absolument entre l'Est et l'Ouest de l'Italie, il y a quelques millimètres par an, c'est pas beaucoup, mais ça suffit. Imaginez que les roches, c'est élastique, mais pas très élastique, si on tire trop dessus, ça casse. Oui. Et c'est ce qui se passe sur la croûte terrestre de l'Italie, ces montagnes en fait se fracturent, se fragmentent via des failles. Alors ces failles font 1, 2, 5, 10, 50, parfois une centaine de kilomètres de long, mais elles sont très segmentées. Donc en gros, on voit ça comme des fractures dans le mur, vous voyez, c'est au lieu d'avoir une grande fracture qui est longiligne et rectiligne, on a plein de petites fractures plus ou moins bien connectées. Ce qui fait que chaque fois qu'on a un séisme qui correspond à un glissement sur une de ces fractures, une de ces failles, finalement, ce glissement peut perturber les autres, et on n'aura jamais un glissement sur 1000 km de long, comme on peut avoir dans les grandes failles continues, comme San Andreas, la faille en Turquie, etc. Elles sont toutes interconnectées, mais vous dites, Pascal Bernard, que effectivement, quand on a une grande faille comme ça, là, il y a des risques de séisme extrêmement importants. Alors que là, c'est des petits cisaillements répétés. Ça fait, pour certains, une faille de 15 km. Et donc, ça s'entrechoque de façon tout à fait différente. Disons que les petits séismes comptent pour pas grand-chose dans cet élargissement. Oui. Les Apennins, en fait, s'élargissent surtout grâce aux grandes failles. Les petites failles, ça compte très peu. Ça fait 1%, 10% du total de l'extension. L'extension, c'est vraiment les grandes failles qui font les grands séismes destructeurs. Donc historiquement, il y a eu au XXe siècle, il y a eu 3 séismes destructeurs dans les Apennins centraux et du sud. Il y a eu l'Irpinia en 1980, pas très loin de Naples, 3500 morts dans les villages des montagnes. Ça a été la dernière grosse catastrophe italienne. Seine. Dans la région de l'Aquila, il y a eu Avezzano, donc c'était en 1915, magnitude 7, donc en gros presque 20 fois plus d'énergie que l'Aquila, avec il y a eu 10-20 000 morts, et puis il y a eu Messine au tout début du siècle, 1908, avec là plutôt 100 000-200 000 morts, absolument monstrueux, mais c'est pareil, c'est des failles qui font 30-50 km de long, et pas tellement plus, et voilà, qui sont qui affectent localement, disons, le sol, mais qui n'ont pas d'effet sur les failles voisines. En tout cas, les failles voisines résistent assez pour ne pas casser d'un coup dans continuité. Alors, évidemment, les mouvements sismiques et les tremblements de terre, pour la ville d'Aquila, qui est une ville médiévale, j'ai vu une chronologie qui remontait jusqu'au XIVe siècle. Oui, hein, tout à fait. Hein, donc, tout à fait. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu une très importante, donc, au XVIIIe. Là, maintenant, évidemment, celle qui va nous occuper se passe... En 2009, on va regarder évidemment avec plus de précision les dates et la nature de ce séisme-là. Mais il y a une histoire. Et en particulier, on peut peut-être tout de suite mettre une pierre d'attente. C'est important aussi que vous ayez l'historique. On peut même parler de paléo-historisme des séismes. Et évidemment, toutes les fois que l'on peut avoir un enregistrement historique de séisme, c'est très important. Oui, absolument. On peut remonter dans l'histoire, donc effectivement jusqu'au XIVe siècle, mais on peut remonter encore plus loin dans cette paléo-histoire qui est travaillée par les géologues, hein, qui vont faire des tranchées sur l'escarpement des failles, donc l'endroit où la faille est remise en surface, elle fait du relief à chaque fois cette faille, hein, quand elle a magnitude 6, à magnitude 7, font 10 cm, voire 1 mètre de glissement, qui ensuite est raviné, érodé, etc., au bout de centaines d'années, mais il en reste des traces. Et donc même les séismes qui ont échappé à l'histoire, on peut en trouver des traces, on date au carbone 14 et des gros sédiments associés, etc. Et donc, par exemple, il y a eu, après l'Aquila, donc des études de ce qu'on appelle de paléosismologie, et ils ont trouvé 3 paléoruptures sur la faille qui a été activée lors de l'Aquila. Et ces 3 paléoruptures, il y en a une qui est datée avant l'encens de notre ère, il y en a une autre qui est datée environ à 400-600 de notre ère, et puis une troisième dans les années 1400-1600, et ils pensent qu'avec des problèmes de calage de date, c'est peut-être celui de 1703 dont on vient de parler, qui est le gros séisme, disons, avec 5000 morts, qui a touché l'histoire du bourg. Alors, dernière question concernant ce panorama, mais c'est une question de pure curiosité. On est là devant un système singulier, cette espèce de mosaïque qui est médio-italienne, bizarroïde, en tout cas singulière. Est-ce qu'il y a une relation, alors remontons immédiatement de manière un peu septentrionale, est-ce que ça a une relation avec, par exemple, le grand tremblement de terre qui a détruit Bâle au XVIe? Est-ce que ça a une relation, allez, je l'ai dit tous, avec contiguïté, ce qui peut se passer à Nice, aussi zone de séisme? Et pour finir, est-ce que ça a à voir avec, puisque s'il y a ce grand mouvement général de la remontée de l'Afrique, avec ce qui se passe en Turquie, en particulier, ce qui peut menacer la ville d'Istanbul? Alors oui, tout ça est évidemment lié à cette remontée de l'Afrique, de cette répartition des efforts de résistance, en quelque sorte, des roches au nord des Alpes, au sud des Alpes et plus à l'est, avec des plaques qui bougent comme elles peuvent. Bon, pour ce qui concerne le séisme de Bâle et la région niçoise, ou disons des Alpes, toute cette région-là, en fait, est soumise donc cet effort sur les Alpes, qui est assez complexe au niveau des directions de contraintes, mais qui a lieu sur des petites failles. Donc c'est ça la caractéristique de cette région du nord de l'Italie et du sud de l'Europe. En fait, c'est que c'est pas des failles immenses, parce que c'est des failles qui sont qui ont été fracturées, refracturées dans des contextes tectoniques très variables, et elles ont jamais eu le temps de s'organiser pour faire une grande limite de plaque, comme on peut connaître en Californie, par exemple. Et du coup, les séismes, ils sont modérés à forts, mais on n'aura jamais des séismes géants sur ces failles. Pas titanesques, comme vous dites. Pas titanesques, on n'aura pas des magnitudes 9 comme au Japon en 2011. Oui. Alors, la question, c'est savoir, peut-on avoir des... Alors, on a eu des magnitudes 7, hein, autour de magnitude 7. Disons, Bâle, c'est pas magnitude 7. Bâle, c'est magnitude 6, 6,5, suivant les écoles. Bon, ils sont comme l'Aquila, en fait. Voilà. Bâle, c'est historiquement, c'est à peu près comme l'Aquila. Le sud de la Provence, ça peut être un peu plus gros, 6,5, ça peut s'approcher de 7 peut-être dans certaines conditions. La question, c'est en France, peut-on avoir jusqu'à 7, peut-on avoir jusqu'à 7,5? Donc là, il y a un vrai débat, hein, surtout si on cherche des séismes qui reviennent avec des temps de retour très très longs, parce que les centrales nucléaires ont besoin d'une immense sécurité au niveau sismique. Certes. Et donc on doit les compter, ceux-là qui ont complètement échappé à l'histoire et qui n'ont pas beaucoup laissé de traces dans la paléo-histoire. Donc ça, c'est le vrai problème. Ça serait intéressant de voir du côté tout de tout ça, c'est un peu pareil. Donc c'est des failles fragmentées, des zones fragmentées avec des séismes limités, disons à magnitude 7 pour simplifier. Pourquoi l'objet d'une de vos curiosités, il y en a une qui est sud-américaine, mais il y a aussi le canal de, enfin, la région de Corinthe. La région de Corinthe, c'est là justement parce que c'est une zone extrêmement active avec typiquement le genre de failles qu'on a en France ou en Italie. C'est-à-dire que c'est des failles petites, des failles très segmentées, 10, 20, 30 kilomètres, mais avec un rythme de fonctionnement beaucoup plus rapide parce que c'est une zone qui s'élargit à 2 cm par an. Alors qu'on a quelques millimètres par an en Italie et c'est moins du millimètre par an dans certaines zones de France. Et donc, ça va très vite, mais les failles ne sont pas tellement plus grosses. Elles sont plus grosses parce qu'elles ont accumulé, parce qu'elles, voilà, elles ont accumulé du relief. Mais la longueur des failles et donc la capacité en magnitude des séismes est la même. Et donc, on apprend énormément en travaillant sur ces zones-là. Alors, je voulais revenir au début de la question qui est la Turquie. La Turquie, c'est spécial. Alors, évidemment, il y a toutes ces petites failles un peu partout, mais il y a cette immense faille qui ressemble beaucoup à la faille de San Andreas, oui. Ou à des grandes failles qu'on peut avoir en Chine et au Tibet, qui porte des très grands séismes de magnitude jusqu'à 8, et peut-être même probablement 8,5, mais qui évidemment sont beaucoup plus dangereuses. Et notamment, le segment de faille de cette faille-là qui passe au large d'Istanbul sous la mer de Marmara est une faille un segment qui n'a pas cassé depuis presque 250 ans. Et donc, celui-là, c'est le segment qui attire l'attention de tous les géophysiciens de la planète, et notamment des Turcs et des Européens, pour savoir quand est-ce que ça va casser. Parce que l'échelle de temps, c'est quelques dizaines d'années. Alors, je ne sais pas si... En tout cas, cette information historique est tout à fait avérée, mais il se trouve que Hagia Sophia, dont les architectes étaient arméniens et grecs, à l'époque où l'endroit s'appelait Constantinople, ont eu des parades antisismiques, semble-t-il, tout à fait spontanées. Il y aurait dans ce bâtiment-là, et peut-être qu'il a fait modèle pour la mosquée bleue qui est venue ensuite, peut-être des choses qui soient parasismiques. France Culture, Continent Science, Stéphane Deligeorge. Suite donc de la catastrophe, suite du tremblement de terre, Léo Coutelec, j'ai vu que vous preniez quelques notes pendant que parlait Pascal Bernard sur les séismes qui sont proches de nous autour de la Méditerranée. Et est-ce que ça vous semble, vous avez décidé, vous avez choisi dans votre livre où vous parlez de la responsabilité scientifique? Moi, je me suis permis carrément d'intituler le délit épistémique. Hein, vous parlez de la responsabilité épistémique. L'affaire est vraiment en place. Donc, ça commence le 6 avril 2009. Il est 1h32 en temps universel. Un tremblement de terre de magnitude, grosso modo, donc 6,2, voire 6,3, se produit dans cette région, près de la ville d'Aquila, 63 000 habitants, 308 morts. Alors, comment va-t-on prendre les choses, puisque là va se poser une question et va arriver une situation tout à fait étonnante. Je résume, d'un seul coup, on va retrouver des géophysiciens en tôle. Alors, pas tout à fait, puisqu'il finalement, ils ont été acquittés hein, récemment, enfin il y a un an. Mais effectivement, la première fois, on pourrait en dire dans l'histoire, on va dire très contemporaine des sciences, des scientifiques sont mis en accusation pénalement. Pour avoir pris des positions à propos d'un phénomène naturel de type ici sismique. Bon, donc moi, ce qui m'a intéressé dans cet épisode de l'Aquila, c'est non pas bon le caractère extraordinaire de ce tremblement de terre, puisque somme toute il est assez banal hein, dans l'histoire, comme ça a été rappelé des tremblements de terre, mais c'est précisément les motifs pour lesquels les scientifiques de la Commission des grands risques italienne ont été mis en accusation, puisqu'ils ont été effectivement condamnés le 22 octobre de 2012 par la justice à quand même 6 ans d'emprisonnement. Donc c'est pas rien pour des scientifiques, mettre des scientifiques en prison. Et une grosse amende. Voilà. Bon. Alors, faut peut-être rappeler le contexte, c'est que cette commission a été réunie un peu de façon dans l'urgence le 31 mars, donc 6 jours à l'Aquila. À l'Aquila. Alors oui. ça c'est très important. C'est que cette commission a l'habitude de se réunir à Rome et que là, exceptionnellement, elle a été réunie à l'Aquila. Alors ça fera partie justement du dossier du juge. Hein. Le juge a mis en avant cet argument. Selon une théorie qui est étudiée en sociologie, qui est la théorie de la représentation sociale, selon laquelle, des connaissances, selon laquelle on apporte plus de confiance à une connaissance si celle-ci est produite dans la proximité de là où on habite. Et le fait que ces scientifiques étaient réunis dans cette ville-là a fait que leurs paroles, pas leur parole directe, puis ça a été par l'intermédiaire du chef de la protection civile, a eu un poids plus important. Donc je crois que ça, c'est la première chose qu'il faut que l'on... Et c'est quelque chose, c'est vraiment une donnée épistémologique qui sont liées à la confiance que l'on peut accorder à une connaissance. Il y a des facteurs qui influencent cette confiance. C'est-à-dire que on peut se mettre d'accord ou pas d'accord sur les faits. On en reviendra sur le caractère prédictif ou pas d'un séisme. Je crois que là, il est raisonnable de conclure que la question n'est pas là et qu'il est tout à fait impossible de prédire un séisme. D'ailleurs, l'accusation n'était pas sur la prédiction du séisme, puisqu'il a été rappelé par le juge qu'il était impossible de prédire un séisme. La question est, que fait-on de la parole d'une commission dont on donne l'autorité pour évaluer un risque et non pas la survenue d'un événement précisément? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Et là, rentre en jeu la question de la confiance. Comment accorder la confiance à cette parole-là? Donc ici, le fait que cette commission ait été réunie dans l'urgence d'une part et d'autre part dans la ville même où se posait ce risque a joué. C'est-à-dire que les habitants ont eu tendance à croire et donc à être rassurés, hein, puisque ça a été l'objet de la discorde, c'est que les propos des scientifiques étaient des propos rassurants, optimistes. Alors que les habitants eux-mêmes, depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, avaient des indices empiriques hein, qui leur disaient qu'il y avait un problème. Des prémices, oui. Il y avait des prémices, oui, au-delà, bien sûr. Au-delà de la connaissance scientifique qu'on peut avoir hein, sur le risque d'un tremblement de terre, il y a aussi ce que les habitants vivent. Et ce que les habitants vivent, c'est souvent aussi des éléments qu'il faut prendre en compte dans une prédiction. Voilà. Je crois que là, on est dans une tension entre, dans le cadre justement des tremblements de terre, entre la parole de scientifiques qui sont dépourvus face à un séisme, puisqu'il est impossible de les produire, il n'y a pas de théorie stabilisée, c'est des phénomènes extrêmement complexes, et donc la recherche de la solution scientifique miracle est impossible, et de l'autre côté, un faisceau d'indices, un faisceau de précurseurs, comme on peut dire, mais qui peuvent être scientifiques ou non scientifiques, et qui, si on les prend en considération ensemble, si on conjugue ces faisceaux, peuvent aboutir à une décision raisonnable. Voilà. Et je pense que c'est, à mon avis, le problème de l'Aquila, c'est le fait d'avoir refusé ces faisceaux imparfaits, certes, hein, et on reviendra hein, sur le technicien Giuliani et sa technique de détection du radon 222, mais pas que ce précurseur-là, il y en a tout un tas d'autres, hein, les habitants eux-mêmes, qui ne sont pas considérés dans la décision. Voilà. Et je crois que là, on a ici une tension. Oui, il y a une chose, cela dit, qu'on peut remarquer, il y a quand même un tiers. C'est-à-dire qu'il y a donc le panel de scientifiques, le groupe d'expertise qui se réunit. D'ailleurs, dont les estimations sont doubles, hein, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité puissante d'un séisme. Et puis aussi des propos d'atténuation, mais on est devant la difficulté même qui est cet exercice de prédiction. Là, on va bien sûr écouter très attentivement ce que va dire Pascal Bernard en tant que technicien de la chose. Et puis, il y a ceux qui informent. Et eux, ils ont une volonté qui est de pas de panique dans la population. Allez, il faut calmer le jeu, surtout... Allez, restez calme, c'est pas grave, on est quasi sûr que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de séisme. Et là, il y a un jeu aussi. Et je vois, moi en tout cas, dans cette attitude, on y reviendra, mais je prends qu'un seul exemple, la chose est assez étonnante. Il y a un hôpital dont les bâtiments ont été construits, la partie ancienne, dans la ville médiévale, donc dans la ville ancienne, qui ont été reconstruites après le séisme de 1703. Et cette partie-là de l'hôpital, au moment du séisme, ne va pas s'effondrer. Toutes les parties modernes vont s'effondrer. Or, il y a malfaçon, bien évidemment, puisque dans la composition du ciment, on retrouve une proportion de sable qui est absolument invraisemblable, c'est du carton de pâte, quoi. Et donc on voit bien que là, non seulement ça va révéler des réseaux mafieux qui embrouillent bien sûr la municipalité, voire leurs complices, ça devient très compliqué. Un premier commentaire séismologue Pascal. Il faut bien se rendre compte que pendant 3 mois, la population a ressenti des séismes, d'abord assez modérés. Ça a commencé en décembre. Un petit peu en janvier, puis un taux de sismicité qui est tout à fait inhabituel pour la région de mémoire d'homme, disons, au sens où des magnitudes 4, donc des événements sismiques un peu forts, les gens ressentaient dans les années 80-90, il y en a eu, mais pas une persistance pendant des semaines et des mois. Hein. Là, il y avait itération. Voilà. Là, ça, des magnitudes 2, 3, ça se ressentait, ça grondait, etc. De jour en jour. Et puis, vient le 31 mars, il y a eu un magnitude 4. D'un coup, ça fait vraiment peur aux gens, parce que les gens étaient déjà un peu sur le qui-vive, mais ce séisme du 30 mars, de magnitude 4, alors magnitude 4, faut bien voir, ça dure 1-2 secondes comme vibration, mais ça peut déjà lézarder des plâtres, etc. Ça fait peur. Hein. Même 3, hein. Les gens commencent à sortir, commencent évidemment à dormir dehors, etc. Pendant la semaine qui a suivi. Mais en parallèle, il y a eu cette histoire de radon sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui a compliqué la chose, une prédiction d'un ingénieur qui, sur des observations particulières, a semé un peu la panique, non pas d'abord à L'Aquila, mais dans une ville à 50 km de là. Donne-lui son nom, d'ailleurs, il s'appelle Gianpaolo Giuliani. On y reviendra. Mais donc, la population déjà très effrayée, et donc en attente de quelque chose, d'un dire du politique, du scientifique. Voilà, c'est pour ça que cette commission, elle avait décidé, en fait, disons, la sécurité civile avait donc décidé de calmer le jeu. Hein. C'est son rôle, en fait, de pas de panique, parce que les paniques, ça fait des morts. Donc, et a priori, c'est une décision de la commission avant vraiment cette réunion qui était une réunion de mise à plat des informations et ensuite de communication de presse qui a eu lieu le lendemain donc au local. Donc cette permets une petite incise. Vous dites les paniques, les situations de panique, ça fait des morts. Et je me souviens très bien que à ce même micro, José Achache, parlant donc d'un séisme possible de très grande importance à Los Angeles, provoquerait plus de morts si on déclenchait donc l'évacuation dans la panique, dans un laps de temps très court, en disant ça, il va y avoir un tremblement de terre demain. Que le tremblement de terre lui-même. Je ferme la parenthèse, mais il y a aussi cette situation. Donc là, ce qui manquait probablement, c'est d'autres chercheurs, d'autres disciplines, parce que le comportement psychosociologique des gens à L'Aquila, c'est pas celui de Los Angeles. Bien sûr. Ils étaient déjà prêts à être dehors tranquillement, à s'organiser. Donc c'est pas évident. Par contre, les deux sismologues qui étaient dans cette commission, un qui était part de la commission officiellement et l'autre qui a été invité, qui était le directeur du réseau sismologique national. Donc le sismologue de la commission étant Enzo Boschi, qui lui était président de l'IGV, de l'Institut national géophysique italien. C'est ça. Des séismes et des volcans. Donc c'est un sismologue en plus. Oui. Hein, donc bien voilà. Et eux, ils ont communiqué sur le risque, mais le risque long terme. C'est-à-dire ils ont communiqué, c'est une zone à risque, mais on peut pas vous en dire plus. Voilà. En gros, c'est ça qu'ils ont dit. Malheureusement, ce qui a été dit après cette commission, donc le lendemain, qui a été relayé par la presse, c'est que quand il y a beaucoup de petits séismes, on diminue les chances qu'il y ait un gros. Donc ça, c'était la parole de Bernardini, qui a, en dehors de toute discussion de la commission, puisque cet enregistrement s'est fait avant la réunion avec les scientifiques. Par contre, il n'a pas, il n'est pas revenu sur ses paroles quand ça a été diffusé le lendemain à la commission. Et les sismologues, eux, étaient déjà repartis à Rome. Donc il y a une espèce de confusion dans l'information, hors commission, qui parle de quoi. Les décisions prises à l'avance, quasiment, pour calmer le jeu. Les scientifiques très, très incertains sur ce qui pouvait se passer. Très incertains sur la façon dont ils pouvaient communiquer le risque à échelle de temps très brève. Et là, on y reviendra, mais là, il y a un problème scientifique très, très puissant. C'est-à-dire que il n'y a pas encore tout à fait un consensus, mais les gens qui sont vraiment dans le métier pensent que lorsqu'on a beaucoup de petits séismes, on augmente la probabilité qu'il y ait un grand séisme. Mais suivant les écoles, on pense que c'est un facteur 10, un facteur 1000. Les autres qui sont un peu hors de ce type de calcul se disent, on reste prudent et on dit on ne sait pas. C'était la position des sismologues dans cette commission. Voilà, donc toute la complexité est là. Alors, Léo Cotelec, vous avez poussé la curiosité de votre investigation, bien sûr, jusque, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais ça peut peut-être introduire la suite de notre conversation, du procureur, donc du juge, qui a... On peut aussi préciser d'ailleurs, rapidement, que ça a fait un tollé absolument international, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un papier d'indignation dans Science, très important, en disant, mais c'est quoi, maintenant, on fait passer les sismologues et les gens des sciences de la Terre devant les tribunaux. Qu'est-ce à dire ? Alors, donc, déjà, rappeler que le juge a apporté son jugement, non pas sur une omission, c'est-à-dire comme ça a été dit dans une pétition ou dans la presse, c'est-à-dire il n'a pas jugé le fait que les sismologues ou la commission n'avaient pas prédit le tremblement de terre. Absolument pas, ça serait une aberration de le faire. Or, c'est précisément la ligne de défense des scientifiques, de la communauté scientifique, notamment dans cette pétition, qui a été de dire il est tout à fait imbécile de juger des scientifiques sur la prédiction d'un séisme, alors que par définition, un séisme est imprévisible. Mais ce n'est pas du tout l'objet de l'accusation du juge. L'accusation, elle est sur deux motifs. Le premier, c'est sur le fait que des propos rassurants sur le risque d'un séisme ont été propagés, alors qu'il y avait énormément d'indices, notamment justement ces alertes qui avaient été préalables, hein, que ça soit les micro-séismes en Essaim qui ont précédé, hein, comme ça a été rappelé, mais aussi ces teneurs inhabituelles en radon 222 qui ont éveillé l'alerte de Giuliani. Donc des propos rassurants alors qu'on est dans un contexte où il y a des faisceaux, des indices quand même qui nous poussent à ne pas l'être. Hein, voilà. Petite précision, parce qu'on parle de ce Giuliani, il est lui, c'est pas un chercheur, c'est un technicien, c'est un ingénieur, hein, et il travaille dans le plus grand laboratoire souterrain qui existe en tout cas en Europe, je crois, et qui est le laboratoire du Grand Sasso, en Italie. Voilà. Et il regarde les émanations d'un gaz particulier qui s'appelle le radon. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, Pascal Bernard pourra nous en dire plus, parce que, bon, évidemment, je suis pas le mieux placé pour en parler d'un point de vue scientifique, mais toujours est-il que cette technique, évidemment, n'est pas armée d'une théorie stabilisée, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas précisément les mécanismes physiques qui en sont à l'origine et les corrélations entre cette concentration inhabituelle de radon et un risque sismique n'est pas considéré comme suffisamment robuste. Mais la question n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation qui est robuste dans le cas de la prédiction des séismes. Il n'y a aucune certitude. Donc la question, c'est, en l'absence de certitude, de théorie stabilisée, peut-on accepter justement des propos, des hypothèses imparfaites qui viennent de scientifiques ou de non-scientifiques, ici un technicien, qui d'ailleurs a fait ses recherches non pas dans le cadre de son institut, mais dans un cadre privé pour la plupart, hein, puisque c'est sur ses fonds, sur sa curiosité, parce qu'il croit tellement à sa découverte, hein, ce qu'il appelle une découverte, peut-être de façon exagérée, qu'il y a consacré presque toute sa vie. Alors, et moi, je crois que le problème, il est là. C'est-à-dire que quand cette commission, elle est convoquée le 31 mars, l'intention, et ça sera vraiment dit par le juge, l'intention du chef de la protection civile, c'est de faire taire Giuliani et de se servir de la commission pour le faire taire. Voilà. Parce que Giuliani avait effectivement, comme ça a été rappelé le 30 mars, alerté sur un autre risque sismique dans une région avoisinante qui s'est avéré fausse, ou en tout cas pas de l'amplitude qui avait été prédit par Giuliani. Et donc, on l'a accusé de semer la panique, on l'a même traité d'imbécile. Et donc, alors que lui-même avait dit que, effectivement, sa prévision avait été surdéterminée le 30 mars, hein, mais que plus tard allait arriver, dans quelques jours, c'était impossible à dire, que, bien entendu, une autre secousse, un autre séisme d'une amplitude très importante et qu'il fallait avoir des mesures de prévention. Voilà. Il n'a pas été effectivement pris en compte, pas écouté. Et moi, je crois que interdire de donner l'alerte en l'absence d'un canevas théorique stable et de preuves irréfutables, c'est irresponsable. Voilà. Ben voilà, sur cette musique suggestive du film Saint Andreas, tout simplement, que l'on doit à Dwayne Johnson, je pose la question en italien, je me lance. L'aquila un terremoto nella comunicazione? Si ou non? Si. Alors, pourquoi si, Pascal Bernard? Je pense qu'il faut revenir un petit peu sur cette question du radon qui a effectivement brouillé et extrêmement compliqué l'affaire. Alors le radon, c'est un gaz qui sort naturellement, qui est produit par les roches, hein, qui survit pas très longtemps, 4 jours en gros de période de vie, de demi-période de vie, donc il disparaît très vite. Donc pour qu'on le voit, il faut qu'il soit généré très proche de la surface ou assez proche de la surface. Et il est souvent associé à des flux dans les zones de faille. Mais ces flux de gaz ou ces flux d'eau ou ces flux d'air qui portent le radon, en fait, ils sont très contrôlés par la pression atmosphérique, ils sont contrôlés par la pluie, qui peuvent changer dramatiquement les concentrations. Et donc, quand on fait des mesures dans le sol, comme moi j'ai fait dans le golfe de Corinthe pendant des années, on a toujours de mauvaises surprises, il faut décorréler. Donc là, déjà, il y a tout un travail de nettoyage des données. Ensuite, on voit de temps en temps des signaux, on ne sait pas ce que c'est. Alors, ben évidemment, il est tentant de les corréler à des choses plus profondes que là où on mesure à quelques mètres, et on regarde la sismicité. C'est ce que tout le monde fait, et c'est ce que les Japonais ont commencé à faire dans les années 70, et Chinois aussi, avec beaucoup d'observations absolument fantastiques, qui montraient, effectivement, pour les très grands tremblements de terre, des émanations de radon. Mais en même temps, il n'y avait pas que le radon, il y avait la température des eaux qui changeait, le niveau d'eau dans les nappes qui changeait, le fold qui déformait, des micro-séismes en permanence. Donc le radon était un des éléments marqueurs de la déformation cristale qui pouvait précéder les grands séismes japonais et chinois des années 70. Bon, alors les gens continuaient, puis finalement ça a perdu un peu d'intérêt parce que les gens se sont remarqués que c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait de moins en moins de précurseurs notables sur les grands séismes et finalement les mesures de radon sont un peu tombées dans l'oubli. Mais certaines personnes ont persisté dans les instituts de recherche et aussi comme ce technicien qui, d'un point de vue privé, s'est accroché à cette affaire et a voulu voir ce qui se passait. Le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas de publication, on peut pas juger de la pertinence d'une mesure. Est-ce que c'est fait bien? Est-ce que ça a été décorrélé de la pluie? Est-ce que ça a été décorrélé de la pression? Où sont les traces continues? Donc moi, quand je fais une publication, je montre tout ce que, même si je sais pas très bien ce que ça veut dire, je montre et je discute indépendamment mes prédictions de mon signal. Et vous publiez dans une revue à référer où les gens regardent. Les gens me critiquent, me disent ouais. Ça, vous n'avez pas vérifié ça, vérifiez ci. Et donc moi j'ai cherché des informations de Giolini, j'ai rien trouvé. Donc moi dans les mois qui ont précédé, surtout les jours qui ont suivi cette crise, je me suis dit bon, mais je vais regarder ça parce que le radon je connais un petit peu au sens où mes collègues de l'IRSN ont travaillé avec moi à Corinthe pour faire ce type de mesure. Donc je m'y suis intéressé. À Corinthe c'est une zone très sismique, donc ça avait un intérêt. Mais finalement, j'ai rien trouvé. Donc, je peux rien dire. Mes collègues de l'INGV ont peut-être eu connaissance de ces graphes, de ces courbes, et peut-être ont eu un jugement assez dur envers, disons, le côté vraiment pas malhonnête, mais le côté, disons, sérieux, standard des l'application de ce type de technique et méthodologique, je dirais, sur l'analyse du signal. Donc, qu'il ait été écarté, moi, ça me choque pas, parce que ce dont on a besoin pour faire une alerte, c'est quand même, non pas des faisceaux flous, mais c'est des choses tangibles. Or, les seules choses tangibles, en l'occurrence, comme mesure, c'était ce que ressentaient les gens, c'est-à-dire les séismes. La question, c'est de savoir, est-ce que un ensemble de micro-séismes qui se concentrent dans une zone qui fait quelques kilomètres à une quinzaine de kilomètres de profondeur, est-ce que ça, c'est signe d'un séisme qui se prépare ou pas? Donc là, c'est des questions de mécanique. Alors, que du radon puisse s'échapper sur des failles à 50 kilomètres de là, pourquoi pas, mais c'est secondaire et on n'en fera rien. Parce qu'on ne pourra pas comprendre la mécanique de la préparation. Là, il y avait une faille qui était cible, cette faille de l'Aquila, qui est bien connue des géologues. Et donc la question, c'est, sur la base de cette microsismicité, que disent les scientifiques statistiquement, que disent les scientifiques d'un point de vue des modèles? Eh bien, c'est là où la difficulté, parce que ce sont des objets de discussion, même si ça fait 15 ans que les gens disent, bon, quand vous avez des petits séismes, vous augmentez la probabilité des plus gros, parce qu'il y a des effets de cascade. Ça, c'est une façon de voir les choses. D'autres gens, comme moi, pensons que si vous avez des micro-séismes très concentrés, c'est qu'il se passe quelque chose d'autre que les séismes. Il y a de la surpression de fluide, il y a des failles qui commencent à glisser. Et donc, ça change complètement le modèle mécanique. Et donc, les effets en termes de cascade pour un gros séisme ne sont pas les mêmes. Et donc, suivant les écoles, on va dire, on a une petite influence, une grande influence. C'est des symptômes ou bien c'est le mécanisme lui-même. Donc, divergence de point de vue. Et les gens qui sont un peu en dehors de ces discussions-là, qui sont eux aussi sismologues, mais qui n'ont pas cette expertise, eh bien, prennent ça un peu de loin, reviennent à des théories bien établies d'il y a une quinzaine d'années, la théorie du chaos, en disant, en gros, les séismes sont imprédictibles, point barre, quoi. On n'est pas assez fin pour dire mieux. Voilà, c'était la position qui a été adoptée. Votre sentiment, alors ? Non, mais on est, c'est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on est au cœur, me semble-t-il, du problème. On voit bien qu'il y a des questions de légitimité épistémique, et qui sont ici avancées en termes de reconnaissance au sein d'une communauté, via l'épicentre de la reconnaissance, qui est la publication. Et parallèlement, on voit que la science n'est faite que de désaccords et d'écoles. Et donc, c'est tout le problème, c'est-à-dire que il n'y a pas de théorie dominante qui puisse prétendre dire la bonne parole, en quelque sorte, à propos d'un événement. Au contraire, ce n'est que des prises de position et des points de vue de scientifiques selon l'école à laquelle ils ont décidé d'adhérer. Donc on voit qu'on n'est déjà pas dans quelque chose de stabilisé. Et donc dans ce contexte-là, il me semble qu'il est responsable, et d'ailleurs le terme de responsabilité, si on étymologiquement respondérer, c'est pondérer les choses. Il est responsable lorsque on est responsable lorsque l'on pondère les choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut prendre par exemple les propos de Giuliani au même titre que 30 publications ou 40 publications dans Science. On a à pondérer. Mais pondérer les choses, ça veut dire aussi les considérer. Or ici, le gros problème de l'Aquila, ça a été de déconsidérer complètement une voie scientifique, certes discutable, certes imparfaite, mais tout de même qui peut avoir un intérêt. Tout comme peut avoir un intérêt le vécu des habitants, tout comme peuvent avoir un intérêt la prise en compte de facteurs, comme ça a été rappelé, comme le contexte local, c'est-à-dire la densité de population, la vétusté des bâtiments, etc. Les malfaçons. Oui. Je crois que le problème, il est là. L'objet séisme, l'objet tremblement de terre, l'objet séisme, appartient-il au sismologue ou doit-il être l'objet commun d'une multiplicité de points de vue ? C'est ma position. C'est-à-dire que les sismologues, évidemment, les géophysiciens ont quelque chose à dire sur cet objet, puisque c'est précisément eux qui l'ont créé en quelque sorte. Hein. Mais cela ne veut pas dire qu'ils en ont le privilège épistémique. C'est-à-dire qu'on doit également, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, essayer de faire de la place à une diversité épistémique. Et même si cette diversité ne répond pas aux canons méthodologiques ou de publication ou de vérification par les pairs, et c'est là où la responsabilité rentre en jeu, il s'agit de pondérer cela. Mais je crois que l'Aquila, le problème, c'est que la commission, elle a été réunie pour faire taire une des voies probables, imparfaites, mais peut-être également qui aurait pu, pour ce cas-là, alors est-ce que ça sera le cas dans... Pour oui, ce moi, cas-là, moi, je suis alors, pas vraiment d'accord avec cette position-là, oui, parce que je pense que, oui. En l'occurrence, ce qui a été montré par Giuliani n'a pas été montré. Et donc, je pense pas qu'on puisse avoir une parole lorsqu'on ne montre pas, lorsqu'on ne discute pas scientifiquement. On peut pas dire, j'ai quelque chose à vous dire, je prédis quelque chose, et ne pas donner les arguments scientifiques pour. Donc, il se disqualifiait lui-même, et en fait, l'INGV l'a disqualifié pour ces raisons-là. Mais ça veut pas dire que c'est pas inintéressant. Mais je pense que, dans le contexte où on doit décider de faire évacuer une population ou pas, ce genre de propos n'est pas tenable. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la méthode Vann, hein, le procédé de mesure électrique qui servait à prédire les séismes en Grèce. Eh ben, il y a eu des tas de problèmes à cause finalement d'une absence de validation scientifique et statistique des observations. Et malgré tout, les médias ont insisté pour faire durer cette affaire-là pendant une quinzaine d'années. Donc, et maintenant, ça tient plus parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de phénomène intéressant, mais parce que, en l'occurrence, les gens qui défendent cette méthode-là considèrent le droit d'intervenir sans bille. On apprend beaucoup sur les courants électriques, mais c'est avec le satellite Déméter, c'est pas avec la méthode Vann. C'est pour ça qu'on peut peut-être aussi pondérer la chose. Sur les exemples qu'on peut prendre, d'autres exemples différents de celui de l'Aquila, Léo Koutlec, on est évidemment spontanément d'accord avec vous, en particulier quand certains objets, cette fois-ci, partons d'un objet scientifique défini, il peut être sous le regard des microscopes, des théories, des mesures, des hypothèses de sciences différentes. Et que là, il y a une pluridisciplinarité obligatoire, et vous êtes d'ailleurs pour, et vous étendez le champ. Il se trouve que dans le cas d'espèce, qui est la prévision des séismes, bien évidemment, on est devant une situation qui est la situation de tout résultat de science expérimentale, c'est-à-dire quelque chose qui est un résultat qu'on va dire avéré. Mais c'est un résultat avéré qui est comme biface. C'est-à-dire qu'il est absolument vrai et il est infiniment puissance faux. C'est-à-dire qu'il peut être soumis à immédiatement une contre-proposition, une contre-mesure, une vérification de l'hypothèse contraire. Et dans ce cas-là, eh bien, la science ne fonctionne que par réfutabilité successive, bien sûr. Et dans le cas d'espèces, alors posons la question autrement. Quels sont après, bien évidemment, je vous laisserai réagir, mais Pascal Bernard, est-ce qu'on peut dire que depuis 2009, les progrès, par exemple, de prédictibilité des séismes ont augmenté? Je pense à la situation de meilleures observations venues des GPS qui donnent, par exemple, le mouvement des terres. Oui, alors ça, c'est la prédiction, la prévision à moyen terme, à l'échelle de quelques années. Donc, mais ça, on sort un peu, on pourrait y revenir dans quelques minutes, mais je voudrais quand même revenir sur le fait que le radon en soi, c'est un des faisceaux d'indices intéressants pour les précurseurs, mais faut savoir le motiver. Hein. Je pense que si on ne joue pas le jeu du scientifique lorsqu'on présente une information au public, je pense qu'on trompe le public, on se trompe soi-même et on trompe tout le monde. Et ça peut être extrêmement grave. Donc, moi, j'ai rien contre Giuliani. Il est quelqu'un de passionné, etc. D'accord. Mais il ne travaille pas dans un cadre où il a pu effectivement montrer de manière convaincante que ses mesures particulières, avec sa méthode particulière, étaient pertinentes. Et du coup, on ne joue pas comme ça. Par contre, je reviens sur ce que Léo a dit tout à l'heure, qui est un autre élément qui est de prendre en compte non seulement ces faisceaux d'indices, genre les radons, mais aussi le vécu de la population. Et ça me semble le point clé. Moi, j'ai l'expérience d'être intervenu sur le terrain après le séisme de Kozani en 1995 en Grèce, dans le nord de la Grèce. Donc beaucoup de villages vraiment très touchés, beaucoup de maisons effondrées, et il y avait juste une victime. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 20 minutes, il y a eu des magnitudes 4 à la queue-leu-leu, et les gens sont sortis de chez eux, c'était un samedi matin. Évidemment. Et donc, c'est naturel, les gens ressentent un magnitude 4, ça fait plus peur qu'un magnitude 3, parce que ça secoue, ça prend aux tripes, la maison tremble, on a quelques petites fissures, donc les gens sortent. Mais c'est pas dans le degré, ils sont pas sortis au premier, ils sortent au deuxième, ou sortent au troisième. Et donc, effectivement, leur dire, mais non, restez chez vous, ça peut paraître étrange. Hein, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens, en fait, dormaient dehors à partir du début avril, suite au premier choc de magnitude 4, malgré les rassurances de la commission, mais petit à petit, les gens se sont mis à rentrer doucement, à ne plus dormir dans leur voiture. Et donc, le précurseur qui a daté 3 heures avant le choc principal, donc je crois que c'était le 6 avril dans la nuit ou le 7 avril au matin, très tôt, il y a eu un magnitude 4 encore, et donc une partie des gens sont pas sortis. Parce que, même s'ils avaient la trouille, il y avait une espèce d'ambiance où finalement ça allait mieux, et je crois que c'est ça qui était dramatique. Alors, je pense qu'il faut oublier le radon. Avant de passer tout de suite la parole à Léo Koudlek, petite question, si la réponse peut être très courte, tant mieux. S'il faut rentrer dans beaucoup de considérations, on abandonne. Est-ce qu'on peut quand même caractériser par rapport à 2009 le fait qu'il y ait eu un progrès en termes de temps d'évaluation possible ou de prédiction possible d'une fenêtre de séisme? Est-ce que les fenêtres de temps sur lesquelles on travaille le mieux, c'est l'échelle de quelques dizaines d'années. Et grâce aux mesures de géodésie, d'accord, qui montrent que dans les zones de faille, certaines zones de faille finalement glissent tranquillement, d'autres sont bloquées, et connaissant l'histoire de ces failles, on dit elle est bloquée, mais ça fait 300 ans qu'elle est bloquée ou 1000 ans qu'elle est bloquée, et donc on est dans une fenêtre de temps de D'accord. Pour l'Istanbul, c'est ce qui se passe. Pour la Californie, c'est ce qui se passe. Pour le Japon, c'est ce qui se passe. Il y a des zones identifiées avec un potentiel sismique majeur à l'échelle de temps de 30 ans, avec une chance sur deux, deux chances sur trois. Donc ça, c'est le moyen terme. C'est énorme, ça, parce que ça permet de planifier les efforts de les constructions, le planification urbaine, bien sûr, bien sûr. Maintenant, sur le court terme, à l'échelle de quelques jours, quelques semaines, on a de plus en plus d'observations que les grands séismes sont effectivement précédés de micro-séismes. La question, c'est la question de la fausse alarme. Si vous évacuez une ville 100 fois pour avoir un succès, finalement, est-ce que c'est pas contre-productif? Parce que les gens vont se lasser, vont plus sortir. C'est crié au loup, quoi. Et là, les scientifiques sont démunis. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner des chiffres, et les chiffres sont de plus en plus fiables. au sens où les, même ceux qui ne travaillent pas sur ces chiffres acceptent l'idée que un petit séisme peut en déclencher un gros, mais les fourchettes de chiffres sont maintenant plus précises, mais dépendent aussi des modèles, des visions des gens. Le coup de l'œil à vous. Non, je crois qu'on est vraiment là dans la problématique des lanceurs d'alerte et de leur légitimité, quelle que soit la robustesse des éléments pour lesquels ils tirent l'alerte. Mais dans le cas de Giuliani et du radon, puis après on va passer à autre chose, mais de toute façon on va plus avoir trop le temps. Il a publié ses graphes. Et on lui a demandé, le chef de la protection civile lui a demandé de les retirer sous peine de condamnation. Donc il a été obligé de les retirer de son site internet et il a essayé de prendre contact avec la commission des grands risques pour les transmettre et ça a été une fin de non-recevoir. Donc je pense qu'il aurait été le premier à vouloir dialoguer, à être auditionné, à donner ses mesures, mais évidemment que il était considéré comme un charlatan. Poussons la thèse jusqu'au bout. S'il avait été écouté, Léo Coutelec, est-ce que ça aurait changé fondamentalement les choses? Sur ce cas-là, oui, puisque effectivement, dès le début avril, pour lui, il fallait évacuer absolument l'Aquila, parce qu'il allait se passer un séisme très important. Donc, dans ce cas-là, évidemment, que s'il avait été écouté, on aurait évité ces centaines de morts. Alors, est-ce que mais je suis d'accord quand même avec ce que vous dites, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus prendre en considération que cette technique-là, c'est la nouvelle c'est une technique miracle. Elle a plein de défauts. Mon propos est pas là. Mon propos, il est celui d'accepter une diversité de points de vue en pondérant ces points de vue. Voilà. Et de pas en rester à une sorte de certitude scientifique dans un contexte où il n'y a pas de certitude à avoir. Personne n'a la clé du problème. Peut-être que pour élargir la chose, je trouve que il faut caractériser aussi peut-être l'urgence. Et c'est simplement pour prendre un exemple absolument différent. Il y a une directive européenne qui s'appelle REACH et qui normalement devrait analyser, à demander aux industriels produisant, en particulier pour une certaine année après avoir fait une liste, 30 000 corps synthétisés nouveaux, 30 000 molécules nouvelles. Et là, il y a vraiment urgence, puisque de toute façon, il s'agit des études de toxicité. Eh bien, seulement 3 000 ont répondu. Et là, il y a vraiment un défaut d'information, et on peut la requérir, l'information du citoyen qui dit, mais là, d'abord les conflits d'intérêts, et qu'est-ce que ça veut dire confier, on le voit bien aussi avec l'industrie pharmaceutique. Donc c'est peut-être, il y a peut-être des proportions, il y a peut-être des secteurs qui sont un petit peu différents. Quel est votre sentiment là, de ce point de vue général, puisqu'on arrive vers la conclusion? Dans un contexte d'alerte et de décision qui dépasse largement le cadre scientifique, le scientifique doit être béton. Or, visiblement, les mesures radon de Giuliani n'ont pas convaincu les géochimistes de l'INGV, qui sont pas des imbéciles. Ensuite, comment ça a été relayé, la façon un peu raide effectivement dire à la sécurité civile, bon, on veut plus entendre parler de ce gars. Bon, ça, c'est des décisions politiques. Par contre, qu'il y ait une analyse scientifique des signaux dans l'urgence, je me semble que c'est pas possible. On fait pas du travail scientifique en deux jours. Alors, puisqu'on va vers notre conclusion, il y a une situation qui fait qu'en Italie, il était possible de traduire devant les tribunaux les scientifiques comme ça a été le cas. Bon, il faut dire qu'ils ont été complètement relaxés ensuite. Mais en France, la chose serait différente puisque la responsabilité, évacuée ou pas, revient au préfet. On le voit, par exemple, c'est lui qui prend la décision pour savoir s'il va y avoir ou pas déclenchement d'une éruption volcanique aux Antilles, en particulier à la Guadeloupe. Là, c'est la responsabilité du préfet qui, informé par les scientifiques, décide s'il faut se retirer ou pas. Donc, on est devant une situation juridique tout à fait différente en France. Vous vous sentez une responsabilité particulière? C'est simplement pour conclure. Bien entendu, on a une responsabilité de conseiller le préfet, c'est-à-dire que de donner des informations pertinentes pour que le préfet puisse prendre une décision éclairée sur une éruption volcanique. Non seulement les chercheurs de l'Institut de l'IPG vont aux Antilles s'atteler à comprendre ce qui se passe, mais c'est organisé au niveau national et donc tous les volcanologues travailleront pour comprendre ce qui se passe et donner la fourchette de scénarios qui seront envisageables. Le problème, c'est que pour les séismes, ça vient d'un coup. Sauf cas de l'Aquila, oui, où personne n'était préparé à gérer ce genre de choses. Je trouve qu'en tout cas, l'exemple, on va dire épistémologique, est tout à fait intéressant, et que vous avez évidemment eu raison de l'incorporer à votre ouvrage, Léo Coudray. Oui, moi, je... Vous n'avez plus qu'un mot, parce qu'il faut qu'on... Non, mais voilà, je pense qu'effectivement, la responsabilité des scientifiques, elle est importante. Et une des façons de l'honorer, c'est d'ouvrir assez largement le spectre de la considération épistémique. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense que je pense que la difficulté, c'est que dans chaque discipline, il y a des sous-disciplines et qu'il y a des expertises qui sont en fait quasiment des expertises individuelles, qui sont liées à l'histoire du travail de chaque chercheur. Et que déjà, se coordonner entre soi, dans un labo, dans une équipe, dans une nation, au niveau international, ça demande un effort particulier qui est en fait impossible à faire. Et donc, il faut tout le temps le tenter, l'améliorer. Et la grosse difficulté, c'est que un expert, c'est un expert avec son passé, ses compétences. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette position est positive, Léo? Ah oui, moi je crois que là c'est une prise de conscience très forte, effectivement, du caractère pluriel de la science et du caractère surtout non neutre de l'entreprise scientifique, hein, qui est effectivement prise dans des valeurs, dans des points de vue, des hypothèses d'arrière-plan, des intentions, des programmes de recherche. Et donc c'est précisément sur cet état de fait que je base ma réflexion sur les sciences, selon laquelle, dans un contexte de pluralité de points de vue et d'hypothèses d'arrière-plan et de valeurs, on n'a pas à mettre en avant, de façon a priori en tout cas, une hypothèse ou un mainstream par rapport à un autre, et plutôt à appliquer une forme d'humilité scientifique pour d'abord essayer d'écouter toutes les voix possibles, même si ces voix peuvent paraître décalées, même si ces voix ne répondent pas au canon d'une méthodologie ou d'une vérification, mais en tout cas les considérer pour ensuite pondérer ces voies-là dans une prise de décision qui soit la plus pertinente possible et non pas forcément la plus robuste. Hein. C'est important le terme de pertinence. Avec une précision aussi, c'est qu'on ne peut pas tomber dans un relativisme absolu où tout, n'importe qui peut venir parler de n'importe quoi et on va passer au vote pour savoir si... C'est là où la pondération de la communauté scientifique est importante. Voilà. Eh bien écoutez, mille merci. Est-ce que je peux vous demander le titre de votre ouvrage que vous avez publié concernant les séismes que nous allons mettre? Son titre, c'est « Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?» qui était aux éditions à EDP Sciences, et j'ai repris mes droits, et ça sera republié, et ça a besoin d'être publié, parce que depuis 10 ans, ça a changé. D'accord, on va le mettre. Pas le fond, mais beaucoup d'informations. Très bien, nous voilà au terme de ce rendez-vous de Continent Science. À la console aujourd'hui, Alex Danck, pour la documentation Thierry Beauchamp, la réalisation d'Annie Journeau, Stéphane Delis-Georges. Continent Science est balado-diffusé, si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, vous pourrez retrouver René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi ou une fin d'après-midi sur France Culture et merci de votre attention et de votre fidélité encore.